Maître Tixier vend de la plume à Jeanne. Après le souper, Maître Tixier visita les deux chambres de Jeanne et lui dit « Je te vois bien de Chali, ma fille, mais il y en a un vide et ça me choque. Maître Tixier, j'ai acheté de la toile pour faire une paillasse. Je vais la coudre dès demain, et vous me donnerez bien de la paille fraîche pour la remplir. Quand mon mari battra votre avoine, il me vannera de la balle sur laquelle il couchera au besoin. Et tu crois, toi, que je souffrirai que ton homme couche sur la balle quand il sera bien harassé ? Il ne manque pas de plumes à la maison. Tu en auras demain ce qu'il te faudra pour faire un lit. Tu me paieras en journée. Grand Louis n'a pas besoin de se mêler de cela. » « J'ai une belle pièce de coutil, dit le marchand, et je vous vendrai à bon marché ce qui vous sera nécessaire. J'ai aussi remarqué qu'il manque des rideaux à votre fenêtre. Je me souviens d'avoir quelque part dans mes ballots un reste d'indienne à raies blanches et rouges qui ira bien avec le lit. Je vous le donnerai en bon souvenir de notre souper d'aujourd'hui et du plaisir que j'ai à vous retrouver tous. Mais, monsieur le marchand, ma fenêtre se passera bien de rideaux. C'est trop beau pour des gens comme nous. » Jeanne. « Quand vous me pansiez le front, je n'ai pas refusé vos soins, et je n'ai pas craint de vous donner de la peine. Pourquoi ne voudriez-vous pas accepter ce que je vous offre ?»« Jeanne, il faut que personne ne sorte mécontent de chez vous aujourd'hui, » fit observer le curé. « Eh bien, merci de votre générosité, » dit Jeanne au marchand. « Et pour tout dire, je ne serais pas fâché d'avoir des rideaux. » Le colporteur dit au père Tixier comme il rentrait au grand bail. « En passant par la ville, j'ai vu un petit marchand tailleur, » qui m'a cédé son fonds. Je suis convenu de lui prendre l'année prochaine, mais il me faudra une femme dans cette boutique. Eh bien, si vous vouliez me donner votre Louise, je serais bien content. Elle connaît tout le pays, et comme je ne vendrai guère qu'à la campagne, je crois que nous ferions une belle maison ensemble. Lui en as-tu parlé ? Non, maître Tixier. Je voulais savoir ce que vous en diriez. Arrange-toi avec elle, je t'en donne la permission. Le colporteur resta deux jours chez Maître Tixier, et quand il partit, les accords étaient faits. La famille Dumont vient voir Jeanne. La famille Dumont vint le mardi voir Jeanne, qui leur avait dit la veille qu'elle était emménagée. « Sais-tu que tu n'es pas du tout mal logée, petite Jeanne ?» lui dit Madame Isaure. « Et qu'as-tu donc dans ta basse-cour ? » « Rien encore, madame. Maître Tixier va me donner une chèvre, un coq et deux poules. » « Qu'il te donne plutôt deux cannes et un canard, » dit Madame Dumont, « je t'enverrai un coq et deux poulettes de ma belle race. » »« Et moi, » dit Auguste, qui était devenu un bel officier, « je t'apporterai une paire de ces jolis pigeons que tu aimes tant. » »« Et moi, » dit Madame Sophie, « je te donnerai une jolie chatte à longs poils pour te tenir compagnie. »« Car, ma pauvre Jeanne, tu vas trouver la maison bien grande quand tu seras seule toute la journée. »« Oh, je vais chercher de l'ouvrage tout de suite après avoir sevré Sylvain. » Quand vous aurez besoin de quelqu'un, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Et la petite Nanette, qu'en feras-tu quand tu iras travailler? Je l'amènerai au grand bail, ainsi que son frère. Ils s'amuseront autour de la maison. Nanette gardera le petit, et Louise aura l'œil sur les deux. Comme il est frais, ton Sylvain. Jeanne, si j'ai un enfant, tu me le nourriras, dit Madame Isaure. Avec grand plaisir, ma chère dame. Ordonnez ici comme chez vous. Jeanne a de la peine à s'habituer à vivre seule. Madame Sophie avait raison. Jeanne n'était pas accoutumée à tant de tranquillité. Il lui semblait qu'elle n'eût point d'occupation. Quand son ménage était fait, qu'elle avait promené la chèvre et qu'elle lui avait amassé de l'herbe, le reste de la journée lui paraissait bien long. Elle filait sur sa galerie pendant que Nanette amusait son frère. Quand elle s'ennuyait trop, elle prenait ses deux enfants et les emmenait au grand bail. Là, elle aidait à Louise, et bien souvent on la retenait à souper avec son mari qui battait à la grange. D'autres fois, elle s'occupait de son jardin. Nanette la suivait partout. Et comme sa mère lui apprenait beaucoup de choses, cette petite fille causait bien mieux que les autres enfants du bourg. Quand les anciennes voisines de Jeanne passaient sur le chemin pour aller au marché, elles entraient souvent chez elle, et après avoir visité sa maison, elle lui disait « Elle doit te coûter bon ta maison, petite Jeanne. » « Pourquoi donc ça ? C'est que tu as un beau jardin en avant. On ne voit ni fumier ni immondice devant ta porte. Et avec quoi comptes-tu donc fumer tes champs ? Je peux bien avoir de quoi fumer mes champs sans mettre mon fumier sous mes fenêtres pour empester ma maison et rendre mes enfants malades. N'ai-je pas ma cour ou est l'étable ? Mais si tu ne mets pas de la paille pourrir devant ta porte, le peu de bétail que tu as ne pourra suffire à fumer tes champs. Vous croyez donc que cette paille que vous mettez pourrir devant vos portes fait un bon engrais? Vous vous trompez fort. C'est bon pour vous donner la fièvre, ainsi qu'à vos enfants, et voilà tout. Comment fais-tu donc, toi? Moi, je mets une couche de paille et une de terre sur mon fumier chaque fois que Grand Louis nettoie l'étable. J'empêche comme ça qu'il ne sèche, et la paille et la terre qui le couvrent deviennent un excellent engrais. Faites de la litière jusqu'au ventre à vos bêtes, et tenez propre le devant de votre porte. Vous verrez comme vous vous en trouverez bien. Qui est-ce qui t'a donc appris tout ça, Jeanne? C'est Étienne Durand, le gendre de maître Tixier du Grand Bail. Il veut donc changer toutes les coutumes, celui-là? Il ne veut rien changer. Il veut seulement faire mieux. Et il s'y entend bien. Grand Louis dit que c'est un excellent cultivateur. Jeanne a grande envie d'avoir une vache. Jeanne désirait beaucoup avoir une vache, et en parlait souvent à son mari, qui lui disait « Ma pauvre femme, tu as deux enfants à soigner, bientôt trois. Si Madame Isor t'en donne un à nourrir, ça fera quatre. Je te demande si tu pourras t'occuper de ta vache. Je prendrai pour m'aider cette pauvre mère Henri, qui demande son pain, et elle viendra pour peu de choses. Elle gardera mes bêtes au champ, puis elle ira à l'herbe. Je n'aurai que la peine de traire la vache et la chèvre, de soigner le laitage, et tu nettoieras l'étable le soir. Car vois-tu, je veux avoir une vache bien propre. Je la ferai étriller tous les jours, comme Étienne Durand fait au Grand Bail. J'ai remarqué que quand elles ont le poil bien brillant, elles donnent plus de lait et du meilleur. Si tu veux te faire aider, c'est différent, parce que je n'entends pas que tu te tues à l'ouvrage, je t'en avertis. L'autre jour, le maréchal m'a proposé un cheptel. Veux-tu que j'aille lui demander s'il est toujours dans la même intention? Oh oui, mon homme, va. Ça vaudra mieux pour commencer que d'acheter une vache nous-mêmes et de rester sans le sou. Grand Louis alla voir le maréchal et revint bien vite dire à sa femme qu'on lui achèterait une vache et que le père Tixier la choisirait lui-même. Jeanne fut bien contente d'avoir une vache. Elle l'amenait paître souvent, comme elle avait fait autrefois chez la mère Nanette. Sa fille conduisait la chèvre et le petit Sylvain les suivait. L'année se passa bien. La récolte fut bonne. Grand Louis serra ses gerbes dans un coin de la grange du Grand Bail. Il fit son vin en commun avec maître Tixier, chez lequel il travaillait toujours. Il paya les premiers 100 francs avec son temps, et il gagna assez en plus pour acquitter une bonne partie de la rente viagère du père Colly. Jeanne eut un autre garçon qu'on appela Paul, et qu'elle nourrit sans trop de fatigue. Madame Isor donne un enfant à nourrir à Jeanne. Paul avait 8 mois quand Madame Isor vint voir Jeanne et lui dit « Je vais te donner bientôt un nourrisson, ma bonne Jeanne. Ton Paul n'aura guère que 9 mois quand tu prendras mon enfant. Je ne veux pas que tu les nourrisses tous les deux à la fois. Toute forte que tu es, tu seras bientôt épuisée. Si tu veux mettre ton garçon en nourrice, je paierai ses mois. Merci, madame, je le sèvrerai. Il est très fort et mange déjà comme un petit homme. Je vous promets qu'il ne prendra pas le lait de votre enfant. Je le sais bien, Jeanne, tu es trop honnête femme pour tromper personne. Moi, moins que tout autre. Prépare-toi donc à recevoir bientôt ton nouvel enfant. Nous passerons l'hiver ici pour ne pas le quitter. Mais dis-moi, si tu prenais une petite fille pour t'aider, tu ne pourras pas suffire à tout. Madame, j'emploie déjà la mère Henri une partie de la journée. Je la garderai tout à fait. La pauvre femme est bien malheureuse et ne manque pas de courage. Mais elle ne peut travailler au champ. Je serai plus tranquille avec elle qu'avec une fillette de 12 à 13 ans. Alors je paierai la mère Henri en sus de tes mois. De mes mois, ma chère dame, est-ce que vous comptez me payer? Oh, vous ne me ferez pas ce chagrin-là. Mais, petite Jeanne, n'est-il pas juste que tu sois payée de la peine que tu vas prendre pour mon enfant? Ma récompense, madame, ce sera de vous rendre service et de m'acquitter, selon mon pouvoir, des grandes obligations que je vous ai. Que serais-je donc sans vous? Ne me payez pas, je vous en prie. Laissez-moi vous prouver combien je vous suis attaché, et que je n'oublie pas tout le bien que vous m'avez fait. « Si vous me payez, je croirai que vous ne faites aucune estime de moi, » ajouta Jeanne en pleurant. « Ne te désole pas, ma bonne Jeanne. Tu as raison, je ne dois pas te payer. D'ailleurs, on ne saurait reconnaître les soins d'une bonne nourrice avec de l'argent. Seulement, je tiens à payer la mère Henri. Car enfin, si je ne te donne rien, je ne puis souffrir que tu débourses quelque chose pour moi. » 15 jours après, Madame Isor confia sa petite fille à Jeanne. Les femmes du bourg s'étonnent de la propreté de Jeanne. Les femmes du bourg venaient souvent demander quelques services à Jeanne, qui en savait plus long qu'elle, et qui était toujours prête à obliger. Quand elle la voyait habiller ses enfants, elle lui disait « Comment donc, Jeanne, tu peignes tes petits et tu les laves comme s'ils étaient des enfants de bourgeois ?»« Parce qu'ils sont des paysans, est-ce une raison pour qu'ils soient sales ?»« Voyez, s'ils ont le moindre bouton. Ce n'est pas une grande peine pour moi de laver leurs petits corps tous les matins en les levant, et de leur brosser la tête. C'est bientôt fait, et je leur épargne par là bien de petites misères. Si vous en faisiez autant, vos enfants se porteraient mieux, et ne crieraient pas tant. Eh bien, on essaiera. Dis-nous donc comment tu fais pour que leurs habits aient toujours l'air d'être neufs. Je les plie, quand les enfants sont au lit. Je les mets en presse sur mon coffre. Et je serre leur bonnet pendant la nuit, pour le garantir des mouches. Mais ils ne se salissent donc pas, tes petits? Dame, j'y fais attention. D'abord, je ne les laisse pas manger toute la journée, et quand ils mangent, je mets un linge devant eux pour que leurs habits se salissent moins. Je n'ai pas besoin de les laver si souvent, et cela m'épargne du temps et de l'argent. Madame Isor venait voir tous les jours sa petite fille, qui croissait à vue d'œil, et elle remerciait Jeanne de ses bons soins. Ma chère dame, si vous saviez combien je suis heureuse que vous ne puissiez pas penser que c'est par intérêt que je sois avec votre enfant. Je l'aime comme les miens. Je ne fais pas de différence entre eux. Jeanne rend son nourrisson. Jeanne nourrit la fille de Madame Isor et la lui rendit toute propre, marchant déjà et commençant à parler. Toute la famille Dumont vint chercher l'enfant, et Jeanne leur donna à déjeuner dans sa jolie chambre. Elle avait toujours quelques pots de fleurs sur sa galerie, ce qui donnait à sa maison un air de fête. Pendant qu'on était à table, le domestique de M. Dumont amena dans l'étable de Jeanne une très belle vache avec son veau. On habilla tout de neuf les trois enfants, qui en furent bien joyeux, et tout le monde partit. Jeanne, qui était toute triste du départ de son nourrisson, descendit pour traire sa vache, et fut grandement étonnée d'en trouver deux à l'étable. Elle n'eut pas d'abord la force de parler. Puis elle cria à son mari « Grand Louis, viens vite, mon homme, viens vite !» Lui, qui travaillait dans son jardin, accourut promptement, croyant qu'il était arrivé quelque malheur. Quand il vit Jeanne à la porte de l'étable, le visage tout en larmes et riant en même temps, il lui dit « Est-ce que tu deviens folle, ma pauvre femme ?» Jeanne lui montra la crèche sans répondre, et Grand lui, en voyant la vache, comprit tout. « Sont-ils bons, sont-ils donc bons ?» dit Jeanne quand elle put parler. « C'était justement ce que je désirais le plus au monde, que d'avoir une vache à moi. » « Jeanne, tu ne peux ni nourrir ni soigner deux vaches. Je vais de ce pas chez le maréchal. » pour lui dire de placer la sienne ailleurs. Il alla tout de suite au bourg, où il conta le bonheur qui lui était arrivé. « Grand Louis, dit le maréchal, je ne mettrai pas ma vache en d'autres mains. Elle dépérirait partout au sortir de celle de Jeanne. Nous la vendrons à la foire prochaine. Elle m'a coûté 200 francs, et nous aurions bien du malheur si nous n'en trouvions pas une quarantaine de francs de plus. Ça nous fera un joli petit bénéfice à chacun. » Nanette a mal aux yeux. Quelque temps après, Nanette eut grand mal aux yeux. Jeanne alla chercher monsieur le curé, qui vit l'enfant et trouva le mal si grave qu'il conseilla d'aller consulter le meilleur médecin de la ville, maître Tixier, en allant voir Louise, qui était mariée au marchand et qui faisait bien ses affaires, conduisit dans sa carriole Grand Louis, sa femme et leur fille. Le médecin visita soigneusement les yeux de Nanette. Il fit une ordonnance et dit « Si vous faites exactement ce que j'ordonne, je réponds de la guérison de votre enfant. Autrement, elle pourrait bien devenir aveugle. Mais vous autres gens de la campagne, aussitôt que vos malades vont un peu mieux, vous cessez les remèdes. » « C'est bien vrai, monsieur, dit Jeanne, c'est une mauvaise coutume. Mais que voulez-vous? On est si pauvre et on a si grand besoin de son temps qu'on est négligent de sa santé. C'est un fort mauvais calcul. » car il faut toujours finir par interrompre son travail et dépenser l'argent que vous avez voulu économiser, et même plus, et l'on a souffert longtemps. Trop heureux encore si le mal n'est pas devenu incurable. Vous êtes en vérité plus soigneux de la santé de vos bestiaux que de la vôtre propre. Monsieur, dit Grand Louis, quand on perd une pièce de bétail, c'est la ruine d'une petite maison. Et si le chef de famille meurt, n'est-elle pas ruinée aussi? Oui, et c'est un grand malheur. « Mais soyez tranquille, monsieur, Jeanne n'est pas une femme comme une autre. Ce que vous lui direz, elle le fera comme si c'était monsieur le curé qui lui recommandait. » Jeanne ramène sa fille et lui met un bandeau sur les yeux, parce que le médecin avait recommandé par-dessus tout qu'elle ne vit pas le jour. Paul montre un mauvais caractère. Nanette s'ennuyait un peu de ne pouvoir rien faire. Sa mère lui donna du gros chanvre à filer. Elle entreprit de lui apprendre le catéchisme, ce qui ne fut pas long, car Nanette avait bonne mémoire. Elle gardait le petit Paul pendant que sa mère allait travailler hors de la maison et que Sylvain était à l'école. Il fallait toute la patience de cette bonne petite pour supporter les caprices de Paul, qui avait un mauvais caractère et ne voulait jamais faire ce qui plaisait aux autres. Jeanne en avait un grand chagrin, mais elle espérait qu'il deviendrait meilleur en grandissant. Elle ne se lassait jamais de ses caprices et employait la plus grande douceur avec lui. Mais l'enfant y était insensible. Il ne lui témoignait pas la moindre affection et ne venait à elle que si elle avait besoin de quelque chose, bien sûr de ne pas être refusé. Il ne craignait que son père, qui s'irritait de le voir tourmenter sans cesse Jeanne, et quand elle pleurait en voyant Paul si différent de ses aînés, qui étaient d'excellents enfants. Grand Louis avait envie de le battre pour le corriger, mais sa femme le retenait toujours en lui disant que les coups n'avaient jamais rien produit de bon. Pourtant Paul, tout petit qu'il était, avait quelquefois des réponses si insolentes que Grand Louis, qui au fond n'était pas endurant, lui donnait quelques bonnes tapes. Jeanne, qui craignait que ce petit cœur ne s'endurcit encore et qui pensait qu'une grande tendresse pourrait seule le réchauffer, prit le parti de cacher à Grand Louis toutes les fautes que faisait son enfant. La petite Nanette comprend le chagrin de sa mère et le partage. Nanette, qui avait bien compris le chagrin de sa mère, essayait quelquefois de la consoler. « Ma pauvre fille, il n'y a pas de consolation pour une petite comme celle-là. Si ton frère ne vaut rien quand il sera grand, ce sera le chagrin de toute ma vie. Mon enfant, il faut cacher avec soin sa mauvaise humeur et sa dureté. Vois-tu, il n'y a pas de plus grande richesse que la bonne réputation. Et elle commence en même temps que nous. Si le monde savait combien Paul est mauvais, l'enfant aurait beau se corriger par la suite, on n'en dirait pas moins qu'il ne vaut pas grand-chose. N'en parle donc à personne, pas même à nos meilleurs amis, ni à monsieur le curé. » « Oui, ma mère, soyez tranquille. D'ailleurs, puisque Dieu nous l'a donné comme ça, il faut l'aimer pour tout le monde, car au fond, il est bien malheureux. » À force de douceur et de patience, Nanette vint à bout d'apprendre à Paul sa prière. Elle le faisait compter aussi deux fois par jour, et, tantôt bon gré, tantôt mal gré, il apprit tout ce qu'un petit enfant de son âge pouvait apprendre. Comme il avait assez d'intelligence et qu'il n'était pas mauvais qu'à la maison, on l'aimait bien ailleurs. Il s'attacha à sa sœur plus qu'on ne l'eût cru capable de le faire. Nanette avait un caractère si heureux que tout le monde l'aimait comme on avait aimé sa mère à son âge. Elle guérit enfin, parce qu'elle fut bien docile et ne manqua jamais de faire ce que le médecin et monsieur le curé, qui venait la voir tous les jours, lui avait ordonné. Une grêle terrible ravage tout le pays. Tout allait au mieux dans le ménage de Jeanne. Elle avait fait faire une pièce de toile avec le chanvre qu'elle filait depuis 4 ans. Elle comptait en faire 4 paires de draps et des chemises pour Grand Louis, dont les vieilles avaient servi pour les enfants. Son mari avait déjà remboursé 600 francs au père Tixier et elle lui avait payé sa plume. Nanette allait avoir 12 ans. Elle avait fait sa première communion. Sylvain était enfant de cœur et il restait chez monsieur le curé pendant tout le temps qu'il ne passait pas à l'école. Il semblait que rien ne dût troubler le bonheur de Jeanne, quand au commencement de la moisson, il vint un orage terrible. La grêle tombait grosse comme des noix, et il ne resta pas un épi debout dans les champs. Ils avaient été si bien hachés et entrés en terre qu'on n'y voyait même pas un brin de paille. C'était une désolation générale. Maître Tixier éprouva de grandes pertes. Pourtant, il ne fut pas grêlé partout. Mais chez le pauvre Grand Louis, ce fut bien pis. Il ne resta rien de sa récolte. En voyant ses champs, l'on n'aurait jamais dit qu'il y avait eu là une belle moisson quelques instants auparavant. Les arbres du jardin eurent presque toutes leurs branches cassées. Le chanvre était couché par terre. Le cœur de Jeanne saignait en voyant tomber cette grêle qui la ruinait pour plus d'une année. Son mari revint du grand bail tout consterné. « Quel malheur, mon pauvre homme! Mais c'est Dieu qui l'envoie. Il n'y a pas à murmurer. Il ne faut pas perdre courage. Que de gens vont être plus à plaindre que nous. Ma Jeanne, ce n'est pas la peur de pâtir qui me rend si triste, mais je pense aux enfants, à Maître Tixier et à la pension du père Colis. Comment faire pour vivre et payer tout ça? Console-toi, grand Louis, je n'ai pas encore coupé ma toile, heureusement. Tu vas emprunter l'âne au maréchal et j'irai demain avant le jour en ville, où le mari de Louise me la prendra et me la paiera content. Il n'est pas nécessaire qu'on me voie ni qu'on sache que je l'ai vendue. Combien comptes-tu en retirer? J'en ai 70 mètres, et elle vaut au moins 2 francs. 140 francs qu'on t'en donnera, mais nous payons 200 francs au père Colis, et si je laisse mes journées à Maître Tixier jusqu'à ce qu'il soit rentré dans les 100 francs que nous lui devons encore, comment ferons-nous pour vivre? C'est juste, grand Louis. Eh bien, il faut aller trouver le père Colis et lui demander crédit pour cette année. On voit bien que tu ne le connais guère, ma Jeanne. Il va me faire un billet et me demander un gros intérêt. Il n'y a pas moyen de s'en tirer autrement, pourtant. J'aurais bien du chagrin, qu'on sût notre détresse. C'est un grand sacrifice, mais que veux-tu? Le père Colis fait faire un billet à Jeanne. Le lendemain, Jeanne était revenue de la ville à 8 heures, et elle en rapportait 150 francs, qui devaient servir à les nourrir pendant l'hiver. Le soir, quand tous les enfants furent couchés, elle sortit avec son mari, et ils entrèrent chez le père Colis. « Mon petit père Colis, dit Jeanne, nous venons vous demander une grande grâce. »« Qu'est-ce que c'est, petite Jeanne? On dit que vous êtes bien saccagée par la grêle. »« C'est à cause de cela que nous venons vous demander crédit pour cette année, mon père Colis. » « Nous ne serons pas capables de vous payer, dit grand Louis. »« Si vous ne me payez pas, avec quoi veux-tu donc que je vive ?»« Père Colis, vous ne serez pas pour cela dans l'embarras. On sait bien que vous avez de l'argent. »« Tu as tort de t'en fier aux mauvaises langues. Je n'ai pas le sou, au contraire, et j'ai grand-peine à vivre. »« Mon petit père Colis, dit Jeanne, vous ne voudrez pas nous faire vendre le peu que nous avons ?»« Si le père Colis ne veut pas nous faire crédit, je sais bien où trouver de l'argent pour le payer. Il n'y en a plus d'un qui en prête dans le village. » « Allons, grand Louis, il ne faut pas te fâcher. J'aime mieux pâtir que de vous faire de la peine. Faites-moi un billet de 200 francs pour l'an prochain et tout sera dit. »« Je serai aussi embarrassé de vous payer alors que je le suis aujourd'hui, car j'en aurai pour longtemps à me remettre d'un coup pareil. Si vous le voulez, nous allons vous faire 2 billets, chacun de 100 francs, payables l'un l'année prochaine, l'autre un an après. »« Oh, oh, ça ne m'arrange guère. Eh bien, adieu, nous allons chercher ailleurs. » « Attends donc un instant, grand Louis, tu t'emportes comme une soupe au lait. Comme vous êtes des gens exacts à payer, je vais m'arranger des 2 billets. » Jeanne les écrivit, bien étonnée qu'il ne fût pas question d'intérêt. Elle trouvait le monde bien méchant de mépriser ce brave homme et de le faire passer pour un usurier. Quand les billets furent faits, elle les fit signer à grand Louis, à qui elle avait appris à écrire son nom. « Il me faut aussi ta signature, ma Jeanne, car j'aime à prendre mes sûretés. » « C'est trop juste, dit Jeanne, et elle signa. » Ils remercièrent le père Colis de sa complaisance, et déjà grand Louis ouvrait la porte pour sortir, quand le père Colis dit « un instant, et mes intérêts? Vous n'y songez donc pas? Je ne les fais jamais mettre sur le billet, on me paye comptant et d'avance. » « Combien faut-il donc ? 50 francs, mes enfants. »« 50 francs, dit grand Louis, qui commençait à se mettre en colère. Voulez-vous rire ? Non, mon garçon, c'est à prendre ou à laisser. » « Parbleu, je trouverai de l'argent à meilleur marché ailleurs. »« Père Colis, dit Jeanne, vous êtes un brave homme et vous ne voulez pas notre ruine. Je vais vous chercher 30 francs et tout sera dit. »« Va donc, Jeanne, tu fais de moi tout ce que tu veux. » En sortant, grand Louis reprocha à sa femme de l'avoir empêché d'aller emprunter à d'autres ce qu'il fallait pour payer la rente du père Colis. « Mon homme, je conviens que cet argent est bien cher, mais je ne me soucie pas qu'on connaisse notre embarras. » Et je suis sûr que le père Colis ne dira pas que nous lui avons fait des billets. Il a trop peur qu'on ne sache qu'il a de l'argent. Nous vivrons cet hiver comme nous le pourrons, avec les 120 francs qui nous restent. Ça n'empêche pas que le père Colis est un malhonnête homme. Grand Louis, il nous oblige à sa manière. Il ne faut pas en dire de mal. D'ailleurs, on ne l'estime que ce qu'il vaut. Ce n'est pas à nous à le décrier. Jeanne apporta les 30 francs au père Colis. Mais le lendemain, il vint tout tremblant lui en rendre 15. Il avait entendu dire que la justice ne plaisante pas avec les usuriers, et il se contenta de l'intérêt légal. Grand Louis laisse l'argent de sa moisson au père Tixier. Après la moisson, le père Tixier, qui avait employé Grand Louis tout le temps, voulut le payer comme les autres. « Maître Tixier, il faut garder cet argent-là. Je vous compléterai les 100 francs à l'époque du battage. » est-ce que tu comptes me payer dans une année comme celle-ci, où tu n'as pas ciré 10 gerbes de blé pour ton hiver ? J'aime l'exactitude comme vous, et je ne dormirais pas bien si je ne vous avais pas payé. Et puis j'avais quelque avance. En es-tu bien sûr ? Tu as acheté un bout de terre l'an passé, et je ne crois pas qu'il te soit resté grand argent. Ne vous en inquiétez pas, je ne vous remercie pas moins de votre complaisance. Grand Louis, prends garde, si tu me trompes, je ne te le pardonnerai pas. » L'hiver fut dur pour Jeanne. Elle n'ôta que le gros son de sa farine, et elle fit du pain bien grossier. Souvent, elle n'acheta que de l'orge. Elle vendit une petite génisse d'un an, qu'elle comptait garder, et cet argent servit pour acheter de la semence. On but de l'eau dans la maison, car on n'avait même pas fait de vendange. Enfin, il y eut des jours où le pain manqua, et comme Jeanne ne voulait pas s'endetter, on mangeait alors des pommes de terre cuites à l'eau. Paul, ne comprenant pas la gêne de sa mère, la tourmentait sans pitié. Nanette se privait de son pain pour lui. Sylvain mangeait chez le curé, qui avait bien deviné la détresse de Jeanne, mais qui, voyant le soin qu'elle mettait à la cacher, ne lui en avait jamais parlé par discrétion. Cette détresse était si bien dissimulée qu'aucune autre personne ne s'en douta, pas même le père Tixier, qui était pourtant bien fin. Jeanne, n'ayant pas récolté de chanvre, n'avait rien à faire. Elle prit de l'ouvrage en ville chez le mari de Louise, qui avait acheté sa toile. Il ne la payait qu'en marchandises, comme c'est la coutume, mais enfin elle gagna dans son hiver de quoi vêtir son mari et ses enfants. Maître Tixier découvre la gêne de Jeanne. Un jour du printemps, Maître Tixier entra chez Jeanne, avec monsieur le curé, à l'instant où elle coupait sa soupe. « Quel pain coupes-tu donc là, Jeanne ? Il y a moitié son dedans. » Jeanne rougit et ne répondit pas. « Ah, c'est comme ça que grand Louis m'a trompé, monsieur le curé, jugez-en. J'ai voulu lui payer ses journées, et lui, par orgueil, m'a dit qu'il avait de l'avance, et que je pouvais bien garder son gain pour me rembourser. Est-ce bien, voyons ?» Maître Tixier, dit Jeanne, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Vous avez été si bon pour nous que c'était notre devoir de nous gêner pour vous rendre votre argent. Vous aviez bien vos peines, vous aussi. Tu as beau dire, Jeanne, je ne te passe pas cette menterie-là. Voilà donc pourquoi je vous trouvais si mauvaise mine à tous. Paul, dis-moi ce que tu as mangé cet hiver. Du pain d'orge bien souvent, et bien souvent rien du tout. On mangeait des pommes de terre cuites à l'eau, absolument comme vos porcs. Voyez-vous, monsieur le curé, je vous dis que c'est de l'orgueil, moi. Quoique j'admire votre courage, Jeanne, je m'étonne que vous n'ayez pas voulu être assisté par votre ancien maître ou par madame Dumont, dit le curé. Monsieur, ils avaient bien assez de pauvres à nourrir, et qui étaient plus malheureux que nous. Nous devions encore 100 francs à notre maître, qui nous a aidés de si bon cœur à bâtir notre maison. On ne sait ni qui vit ni qui meurt. Si grand Louis venait à manquer, comment ferais-je pour payer ? Quand il y a des mineurs, on ne peut vendre qu'en justice, et notre petit serait mangé en frais. Enfin, le mauvais temps est passé, les journées de mon mari vont nous suffire à présent. L'herbe pousse, et ma vache, qui ne m'a presque rien rapporté cet hiver, faute de fourrage, va donner un peu de beurre que je vendrai chaque semaine. C'est égal, Jeanne, je ne suis pas content, et si ton mari s'avise de vouloir me payer le labourage de ses champs, je ne le regarderai de ma vie. Et comme il y a un peu d'orgueil au fond de tout cela, dit monsieur le curé, je vais en rendre compte aux dames Dumont. Madame Isor fait des reproches à Jeanne. Une demi-heure après, madame Isor entra. « Comment, Jeanne, tu as souffert tout l'hiver et tu ne m'en as rien dit ? Et quand je te demandais pourquoi tu étais si maigre, tu me répondais que c'était le froid qui te faisait mal. Toi, mon ami, la nourrice de ma fille, tu as manqué de pain et je n'en ai rien su. » Ma chère dame, vous aviez bien assez de tous vos autres pauvres. Il n'y a pas eu grand mal, comme vous voyez, car nous sommes tous bien portants. Que tu aies eu le courage de souffrir, ainsi que ton mari, je le conçois. Mais je ne t'aurais pas cru capable de voir souffrir tes enfants. Madame, ne valait-il pas mieux qu'ils pâtissent un peu que de leur donner l'habitude de demander et de compter toujours sur les autres ? S'ils ont été mal nourris, ils n'ont pas souffert de la faim, je vous l'assure. Ils n'ont pas trop mauvaise mine. Et si grand Louis et moi sommes maigris, c'est plutôt par l'inquiétude que par le manque de nourriture. Jeanne, je t'en veux beaucoup de m'avoir caché ta position, surtout quand je t'en ai parlé la première. Je t'en prie, dis-moi sincèrement si tu as besoin de quelque chose. Eh bien, ma chère dame, puisque vous êtes assez bonne pour vous occuper de ce qui nous manque, je vous dirai que nous avons vendu notre dernière pièce de vin pour payer l'impôt. Je me désole en pensant que Grand-Louis va boire de l'eau pendant les chaleurs. Si vous pouviez nous donner de la piquette, vous nous rendriez grand service. Je ne veux pas que ton mari boive de la piquette. Cet homme a grand besoin de se restaurer et de reprendre des forces pour les travaux de la saison. Ce soir, je t'enverrai une pièce de vin. Tu peux y compter. Grand-Louis fait une terrible chute. Il y eut 3 années de fertilité. Grand-Louis avait retiré ses 2 billets des mains du père Colly, qui était mort peu de temps après. Jeanne, n'ayant plus rien à payer, vit l'aisance revenir chez elle et put faire des économies. Nanette avait 14 ans. Elle savait parfaitement lire, écrire et compter, et tenait la maison aussi bien que sa mère, qui pouvait alors travailler pour les autres tous les jours. Sylvain ne quittait plus monsieur le curé. Paul allait à l'école et apprenait bien ce qu'on lui enseignait, mais son caractère ne s'améliorait pas. Il faisait la désolation de sa famille, pour laquelle il ne semblait pas avoir la moindre affection. Un jour que Jeanne fanait du sainfoin pour le père Tixier, elle entendit un grand bruit du côté de la ferme. Chacun courait et criait. Se doutant bien qu'il était arrivé quelque malheur, elle courut ainsi que les autres femmes. En arrivant auprès de la maison, elle vit tout le monde rassemblé, et elle s'avança pour voir aussi. On était si occupé que personne ne fit attention à elle. Tout à coup, elle poussa un grand cri. C'est qu'elle venait de voir son mari étendu par terre, sans connaissance, et la tête toute fracassée. Elle se jeta sur lui sans pouvoir dire un mot. On était allé avertir monsieur le curé, qui vit tout de suite qu'il n'y avait pas de remède. Il dit pourtant qu'on alla promptement chercher un médecin. On raconta comment le malheur était arrivé. Grand-Louis était monté sur l'échafaud de la grange pour ranger ce qui restait de l'ancien fourrage et faire de la place au sainfoin nouveau. Une planche ayant basculé, il était tombé sur la roue d'une charrette qu'on avait remisée là, et il s'était crevé la tête. On posa le pauvre blessé sur une civière où l'on avait étendu un lit de plumes et on le porta chez lui. Sa femme le suivait suffoqué par les larmes. Monsieur le curé lava la plaie et la banda en attendant le médecin. On fit respirer du vinaigre à Grand-Louis. Il ouvrit les yeux et rencontra ceux de Jeanne, qui le regardait en pleurant. « Ma pauvre femme, lui dit-il, c'est fini, je le sens bien. J'ai le corps brisé. Il ne faut pas trop te désoler. Dans ton malheur, le bon Dieu a eu pitié de toi, en me faisant mourir d'un coup au lieu de me tenir au lit pendant longtemps. Tu aurais tout dépensé pour me soigner et tu serais resté dans la gêne. » Jeanne l'embrassa sans pouvoir lui répondre. Mort de Grand-Louis. Le médecin arriva, et après avoir déshabillé le malade, il déclara qu'il avait quelque chose de rompu entièrement et qu'il ne pourrait en revenir. Il pansa pourtant sa plaie qui était affreuse, et dit en partant à monsieur le curé que Grand-Louis ne passerait pas la nuit. Le digne prêtre ne voulut pas quitter Jeanne, à qui il ne cacha pas ce qu'avait dit le médecin. Ils restèrent auprès du malade, qui était toujours assoupi. Monsieur le curé récita tout haut les prières des agonisants, et Jeanne alluma un cierge à côté du lit. Vers 2 heures du matin, Grand-Louis ouvrit les yeux et appela sa femme. « Amène-moi les enfants, que je les embrasse pour la dernière fois. » Ensuite, il pria monsieur le curé d'entendre sa confession. Pendant ce temps-là, Jeanne était à genoux au pied du lit, étouffant ses cris dans les couvertures. Après avoir fini, Grand-Louis dit « Monsieur le curé, je vous recommande ma femme et mes enfants. Il y en a un qui lui donnera bien du mal. Soutenez-la, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Soyez tranquille, mon ami, je suis fort attaché à Jeanne, qui a été élevée sous mes yeux. Elle est honnête et courageuse. Elle saura bien se soutenir. » Grand-Louis voulut répondre, mais il eut une convulsion et mourut. Jeanne se jeta sur lui et poussa des cris déchirants, auxquels se joignirent ceux des enfants. Ce fut une scène de désolation. Jeanne fut prise d'une violente convulsion. Quand elle fut revenue à elle, le curé lui dit « Jeanne, ce grand chagrin-là n'est pas d'une chrétienne, c'est une révolte contre la volonté de Dieu. Monsieur le curé, vous ne savez pas tout mon malheur, je vais avoir un autre enfant, un pauvre petit, qui ne verra jamais son père. » Et elle recommença ses cris. « C'est une raison de plus pour vous calmer, Jeanne. Vous êtes plus occupée de vous dans cette grande désolation que vous ne le croyez. » Votre mari reçoit en ce moment la récompense de sa vie honnête, et il n'est plus à plaindre. Le malheur tout entier est pour vous et pour vos enfants, qui vont souffrir si vous ne vous occupez pas de votre chagrin. Dieu ne veut pas que l'on néglige les vivants pour les morts. C'est là un grand péché, et je ne pense pas que vous veuillez offenser Dieu. » On enterre Grand Louis. Jeanne fut frappée de ce que lui avait dit monsieur le curé. Elle se calma et fit de grands efforts pour retenir ses cris. Elle fit mettre ses enfants à genoux devant le lit de leur père pour prier Dieu. Paul finit par se rendormir et elle le reporta sur son lit. Monsieur le curé fit une lecture pieuse et il s'en alla au jour. En passant devant le grand bail, il annonça la mort de Grand Louis au père Tixier et lui dit qu'il fallait s'occuper de l'enterrement parce que Jeanne était incapable de prendre ce soin. Maître Tixier eut un grand chagrin de la mort de Grand Louis, surtout en pensant qu'il s'était tué en travaillant pour lui. Le pauvre homme était vieux et infirme, et depuis la mort de sa femme, qu'il avait perdue au commencement de l'année, il baissait tous les jours. Il alla pourtant voir Jeanne. « Ma chère fille, dit-il en entrant, voilà un grand malheur. Qui m'eût dit à moi, qui suis si vieux, que j'enterrerais mon pauvre Grand Louis ? Mais tu n'as pas tout perdu, ma Jeanne, puisque je suis encore là. Je ne te ruinerai pas pour la façon de tes terres, sois tranquille. Je sais bien que vous serez toujours bon, maître Tixier. Mais qui me rendra mon pauvre homme que j'aimais tant ? Nous ne nous sommes jamais disputés, nous étions toujours de bon accord. C'était un vrai petit paradis que notre ménage. Ma fille, comme c'est la volonté de Dieu que vous soyez séparés, il faut bien s'y soumettre. » Jeanne, aidée de Marguerite, ensevelit son mari avec beaucoup de courage. Le père Tixier avait tâché de l'emmener chez lui. Elle avait répondu que son devoir était de rester auprès du corps, tant qu'il ne serait pas en terre, et que son chagrin ne devait compter pour rien. Mais quand elle vit emporter la bière, elle eut encore une terrible convulsion, qui la laissa comme morte. Le chant des prêtres la fit revenir à elle, et rien ne put l'empêcher de suivre l'enterrement jusqu'au cimetière. Elle prit ses deux garçons par la main, et Louise conduisait Nanette. Tout le village les suivait, car Grand Louis jouissait d'une grande estime dans tout le pays.